يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لا شأن عظيم. Module 1. Retranscrire un mot. Chapitre 7. Dictée 53. Premier mot. Jou'in. Jou'in. Jou'in. Jou'in. Jou'in. Jou'in. Deuxième mot. Ardin. Ardin. Ardin. Ardin. Ardin. Ardin. Troisième mot. Hannatin. Hannatin. Hannatin. Hannatin. Hannatin. Hannatin. Quatrième mot. Mahfouzin. Mahfouzin. Mahfouzin. Mahfouzin. Mahfouzin. Mahfouzin. Cinquième mot. Faragin. Faragin. Faragin. Faragin. Faragin. Faragin. Sixième mot. Asfin. Asfin. Asfin. Asfin. Asfin. Asfin. Septième mot. Mumazzaqin. Mumazzaqin. Mumazzaqin. Mumazzaqin. Mumazzaqin. Mumazzaqin. Si tu as acheté la formation, la correction est disponible sous la vidéo dans ton espace personnel. Si tu n'as pas encore acheté notre formation de plus de 300 dictées progressives, le lien est en description, et tu peux répondre en commentaire.